qu'elle est morte. Ah, je l'ai pas fait, je me suis fait chier sur les autres. Parce que celui que t'as fait hier, il était trop loin, j'arrivais pas à le retrouver. Non, c'est pas ta faute, hein, c'est moi qui suis pas du tout un professionnel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes bien arrivés pour le deuxième jour de ce grave Zeppelin. Et là, on enregistre directement pour pas perdre de temps. Donc ça veut dire que le prochain enregistrement aura lieu à la fin, sur la route du retour, hein, grosso merdo. Voilà, donc soyez patients. Donc on a appris de nos erreurs. C'est-à-dire qu'hier, on est arrivé un peu juste quand même, on n'a pas eu trop le temps de profiter, donc là, on est arrivé encore plus juste. C'est voilà, encore plus juste. Encore ouais. Plus juste. Plus tôt, donc c'est pas notre faute finalement. Mais si, mais c'est pas vraiment, on est arrivé plus tôt hier. Hein. En soi, on n'apprend pas de nos erreurs. Hein. Non, en soi, si, on sait qu'on fait des erreurs et on cumule. On admet, ça par contre. Voilà, on les juste, on les bon. On admet, mais c'est tout. Après, en termes de tempo, on m'a dit on décolle à 30, j'étais là à 30. C'est notre faute. Oui, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de dire que c'est pas la mienne. On a pris notre. Ouais, on n'était pas pressé. C'est vrai. Donc on est là pour la deuxième journée avec quoi comme petit groupe à voir? Vous en dites un chacun. Allez. Allez. Je sais pas, il y a Palouzan. Ok, tu passes à ta voisine. Il y a Decasia. Ok. Je sais pas. Ah merde. Non, vas-y. Red Sun Atacama. Très bien. Oh. Lofofora. Missing Mile. Allez, attends là. Missing Mile. Allez. Et le celui qu'on a écouté. Stone from the Sky. Tout à fait, bravo Seb, bravo, bravo, ça, bravo. C'est quand même pas mal de groupes à voir. Hein. 6 groupes comme hier, pile poil. Hein. Cool. On est au même niveau. Donc le concert va commencer dans moins d'une demi-heure, donc ça veut dire qu'on n'aura encore pas le temps d'aller visiter le village. On va encore courir toute la journée. On va jamais pouvoir s'arrêter. Et ça va être chiant de ce côté-là. Mais heureusement, les concerts vont sûrement être super. Mais il y a de grandes chances, oui, bien sûr. Et ça, c'est cool. Donc, on va terminer notre petite bière d'arrivée pour avoir le temps d'en boire une petite deuxième. Hein, parce que, De départ. Et puis après, on essaiera de revenir peut-être, croisons les doigts. On essaiera peut-être de revenir parler entre les concerts. Ou je vais essayer de garder mes micros pour que ça soit plus facile. Ouais. Qu'on parle entre deux sur le vif. Et puis, bah voilà. Donc, on vous dit à plus tard. Allez, à plus. Salut. À plus tard. Au revoir. J'ai reclapé. Et oui, en fait, on n'est pas encore parti voir les concerts parce que je viens d'avoir un flash. Il se trouve que hier soir, quand nous sommes rentrés en voiture, nous n'avons pas pu avoir l'avis de 3 personnes sur le dernier concert, à savoir les projets d'Athéna. Donc on va... Il y a Marine qui vient de rire au bout, je ne sais pas si vous l'avez entendu, sinon c'est hyper insultant. J'ai donc demandé tout de suite à Marine ce qu'elle a pensé des projets d'Athéna. Alors, ce dernier petit concert, il y avait un robot, c'est celui avec le robot si tu vois. Oui, oui, je Qu'est-ce vois que tout tu en fait. As pensé J'ai aucun intérêt. Pardon, non. Désolé. Non, alors, t'as aucun intérêt ou t'as pensé que ça n'avait aucun intérêt? Non, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Oh, c'est dur, les mots sont durs. Non, alors... Après, sur le coup, c'est rigolo à voir parce que voilà, c'est un robot qui joue, oui. C'est sympa, oui. Mais je vois absolument pas l'intérêt sur le principe. Alors, c'est vrai que tu n'avais pas eu toute l'explication parce que nous, on a fait toute l'explication. Il y a tout un historique, en fait. Ils viennent du futur, ils reviennent dans le passé pour sauver l'humanité, pour trouver du bon dans chacun. D'accord. Ouais, écoute, moi je te donne. Mais voilà, mais. Non, musicalement, t'as pas trouvé qu'il y avait une présence scénique malgré toi. Il y a un robot, mais ils arrivent quand même à bien remplir la scène et tout. Ouais, si, la fille, par contre, elle joue vachement bien le jeu, elle occupe bien la scène. J'avoue, heureusement qu'elle était là. Apparemment, elle a bien plu au mec qui était bien devant. Mais oui, voilà. Là, il nous a parlé de ça, oui. Mais en effet, heureusement que la fille était là. Je peux l'appeler Audrey. Audrey, d'accord. Eh bien, Audrey, ça, merci Audrey d'avoir été là. Belle voix en plus, donc. Merci, mais on est là pour parler du groupe. Mais non, voilà, moi j'ai pas kiffé du tout. Bon, bah très bien, bah, au moins on a eu ce petit retour. Je vais donc maintenant demander à Chloé, bien sûr. Alors, Chloé, les projets d'Athéna, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est le groupe avec non, le robot. Merci. C'est pour situer. Bah, moi c'était pas trop mon délire non plus. Il le est robot, trop beau ce van! Il oui, c'est magnifique. Vrai. Mi-futuriste, mi Est-ce que c'est van. Un van électrique? Ah, tu crois? C'est sûr. Ok, je te fais confiance, j'y connais rien. Donc, le robot. Bah, le robot, c'était marrant. Après, c'est vrai que la musique, c'était pas trop mon truc. Mais, c'est voilà, à voir, c'était sympa quand même. Après, J'imagine que si l'occasion se représentait, j'irai pas forcément les voir. Ah, mais, ok, c'est entendable. Mais avoir une fois, c'était sympa quand même. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Je vais donc demander à Seb, parce que c'est, voilà, il restait plus que lui. Bonsoir, Seb. Bonsoir. Qu'as-tu pensé des projets d'Athéna? C'est le groupe avec Audrey. Oui, alors moi, je n'étais pas venu pour Audrey, ni pour le robot, d'ailleurs. Tu étais venu pour le technologue. Ah, pour Antoine. Non, alors, j'ai vu, j'ai entendu, mais non, c'est pas pour moi. Peut-être trop dans le futur, je pense. On a été vachement plus positifs, nous. C'est vrai. Ouais, on a été beaucoup plus positifs. Et ben, mais c'est ça qui est intéressant c'est d'avoir. Chacun son avis. Peut-être qu'il était tard, peut-être. Qu'il était tôt. Par rapport, il était tard dans les tétons. Voilà. Donc ça n'a pas marché sur toi. Non, ça n'a pas marché. Mais tu ne trouves pas quand même. Parce ça aurait pu. Après, visuellement, c'est intéressant, le robot, tout ça. C'est vrai que ça change, ouais. Mais c'est la limite non, peut-être pour toi du truc. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Au moins, on aura eu votre avis sur ce petit dernier concert. Et donc là, on ne devrait pas tarder à y aller à un moment donné, nous. Hein. Quelle heure il est? Je pense qu'il va, être temps. Bah, très bien. Merci beaucoup, Seb. Merci à vous. Je peux récupérer mon micro? Oui, merci. Je me casse. Allez. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Quoi? Faut pas regarder, Mathilde a fait caca. Waouh. Alors ça, par contre... Il fait caca dans la voiture, quoi, carrément. Non, non, entre les deux voitures. En fait, peut-être que le punk à chien, c'est pas vraiment celui qu'on croit. Non. Fais un claps. Claps! Ah, pas comme ça. Merci bien! Et nous! Il y en a un qui est là pour assurer le coup quand même. Tiens, Seb, prends le deuxième micro. Le mec, il fait des claps, il est sale. Bonsoir. Est-ce que vous rappelez. Il est au top. Est-ce que vous rappelez il y a quelques heures quand on a dit on va faire mieux qu'hier? Ou moins pire, du moins. On fait mieux qu'hier. À quel niveau? Non, on avait parlé après le premier concert hier. Et là, on parle après le cinquième concert. Après, tu as dit qu'on parlerait en rentrant sur le chemin du retour. Non, du coup, c'est mieux. Ouais, je ne sais pas, Non, mais ça de exactement, je pense qu'il faut un peu... On enlève un petit peu. J'avais pas... Donc là, on sort de Red Sun Atacama, mais c'est pas de ça qu'on va parler tout de suite. On va revenir... Non, Chloé, on va pas parler de Red Sun et de mon copain Clément qui a dit que j'étais très gentil. Oui, le dernier. Il a dit ça. Si, tu peux pas mentir, tu sais qu'il l'a dit. T'étais là, il l'a dit. Il y a pas assez de chants pour moi. C'était moi, il l'a dit. Ah, il l'a dit, Il l'a dit, c'était bien, l'interview, il est très gentil. Ok, on recoupe. Tu lui as dit, tu le connais pas dans la vraie vie. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit? On parle pas de Red Sun. Du coup, Decazia. Voilà. On est à deux. Bien Seb, je t'en prie Seb. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation du groupe qu'on a pas loupé parce qu'ils ont commencé bien en retard? C'est ça. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est nous qui les avons attendus et pas l'inverse. Grâce au fait que le Grave Zeppelin a chié dans la colle. Waouh. Oh, quelle violence. Oh, toi, ça va. Bah, waouh. Wow. Il y en a. Elle est très légère, ok. Hein? Quelles autres il y a? Celles-là, elles sont légères. Hein. Elles sont pas légères. Hein. Elles sont hyper légères. On va pas s'en sortir, on est là pour parler. Regarde, c'est de l'eau. Elle doit faire 2, 5. Ok, alors Decazia. Decazia, alors super groupe. Qui avait gagné un petit tremplin à l'époque et qui avait joué au Hellfest. Il y a deux ans. Et qui avait ouvert l'ouverture de la vallée. Allez, ça part. Donc, Seb, qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah, du coup, je les avais loupés en ouverture de vallée il y a deux ans. Il y avait autre chose. J'étais bloqué à l'entrée. Ça bouchonnait à l'entrée il y a deux ans. Ah ouais, carrément. Oui, j'ai loupé le premier concert. Ok. Mais bref, le super groupe d'ouverture. Grave. Enfin, ils ont tout déchiré, quoi. Ouais. Vraiment, pour une ouverture, c'était excellent. C'est vrai qu'ils avaient vraiment la patate, l'énergie. Ils ont réussi à. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Malheureusement, il n'y avait pas encore trop de monde. Mais ils ont quand même fait le show et ça a super bien fonctionné. Malheureusement pour le festival. Pour les gens qui ont raté, surtout. Malheureusement pour les gens qui ont raté. Qui n'ont pas bougé leur cul. Il y a vraiment quelque chose à secouer. Le groupe, il joue de toute façon. Ah, trois personnes ou cinq. Il en est à ce niveau. Il en est à ce niveau. C'est pas moi, en fait. Non, mais je te connais quand tu commences à être comme ça. Donne-lui le micro. En fait, c'est peut-être toi qui me pousse à être comme ça. Non, pas du tout. Vas-y. Bonsoir. Decazia. Decazia, excellent. Excellent. Franchement, j'ai pris une tarte dans ma gueule. Mais surtout alors... avec le dernier morceau, toi, ça t'a vraiment. Ah ouais, mais il est la construction du dernier morceau qu'ils ont joué, j'ai pas le nom, hein. Je suis désolé pour vous, mais franchement. Dernier morceau, hein. Ah, mais oui, le dernier morceau. Le dernier morceau s'appelle Le Dernier Morceau. Mais alors, j'ai pris une tarte, mais c'était énorme. J'étais à la limite de verser ma larmichette, moi. C'est vrai que t'es un peu sensible. Ah non, mais franchement, il était génial. Je suis resté comme ça. Coaché. Bouche. Ah, je suis coaché. Ah, complètement, j'étais coaché. Mais ouais, non, franchement, très très très bon. Mais je me suis dit, mais c'est une courbe de fin. C'est pas possible, on termine là-dessus, quoi. C'était énorme, énorme. Très très bien. Voilà, c'était l'avis de. De Bob. Et... Non, mais... c'est moi, Bob. C'est toi. Ah, d'accord. Bonsoir. Passe à ta voisine. Alors, ma voisine. Et bah donc Decazia, bah alors énorme. Après j'avoue j'avais écouté un petit peu et j'avais déjà vachement aimé en fait à l'écoute et j'étais super contente de les voir en live parce que c'est vrai que c'était énorme et donc j'ai carrément apprécié le concert, c'était juste énorme. Dommage pour eux parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde, ça c'est un petit peu le des le gens côté... qui ont pas fait les curieux, c'est toujours ça le problème. C'est ça, ouais. Ils ont voulu traîner histoire de se mettre bien, j'imagine. Wow. Et franchement c'était vraiment vraiment très sympa. Donc j'espère qu'on les reverra. Je crois même t'avoir entendu dire non. Si, non, c'était pas. T'aurais bien pris un CD. Ouais. Ah, franchement, j'ai... mais le problème, c'est que j'aurais pris les CD de tous les groupes que j'ai vus ce soir. Donc, c'est pas grave, ça, ils sont d'accord, je pense. Bah ouais, mais je peux pas financièrement, ça ne marche pas. Mais. Ah putain, mais ouais. Vraiment, vraiment, tout a été. Ouais, mais tout était vraiment très bien ce soir. Quoi. Oh. Non, on a bien résumé toute la soirée. Chloé. Toi, Chloé. Decazia, groupe d'ouverture, premier groupe de la journée. Tu te rappelles pas de ce qu'a dit ton père, hein. Bah, moi, je suis d'accord avec lui. Non, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Et si ça avait été plus long, ça aurait pas été plus mal, quoi. Ok. Voilà. C'est j'ai adoré. C'est pas grave, hein. Ouais, Marine. Oh, elle a un avis quand même. Oh putain, elle a l'air sérieuse. Ouais, elle a pas l'air. Attention. Ouais. Non, j'étais un petit peu mitigée au aïe, départ. Non, au départ. Oui, non, au départ, j'étais un peu mitigée. Quand tu n'avais pas commencé à jouer. Pourquoi par-ci? Mais c'est parce que c'est l'habitude. D'accord, ok. Non, franchement, j'étais mitigée au départ. Mais après, j'ai trouvé que ça montait vachement crescendo. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. Mmh. Et ils occupaient pas mal la scène. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Mais et comme disait Chloé, je pense que si ça avait... Pourquoi tu rigoles? Si ça avait duré plus longtemps, franchement, ça m'aurait absolument pas dérangé et j'irais les revoir avec grand plaisir. Vraiment. Moi, je suis méchant. Ouais, j'allais dire un truc comme ça, mais j'allais... Bah, merci, Marine. Mais de rien, Jack. C'est vrai que c'était un super concert, ils ont vraiment mis une bonne patate dès le début et c'est pas forcément si facile parce que quand tu vois qu'il y a les deux premiers rangs qui sont remplis un trou et après d'autres mecs derrière et eux ils ont pas lâché, ils ont été jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout et franchement bah, c'était un super concert quoi, un super début de journée où tu dis bah, si tout est comme ça, ça va envoyer. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu à la voiture. On a fait beaucoup de retours à la voiture. Hein. Ouais. Beaucoup de marches, beaucoup d'exercices. On s'est beaucoup déplacé. Les 10 000 pas par jour, là, on doit pouvoir les avoir. Attends. Ah, vas-y, dis-nous. 10 123. Allez, voilà, on est des champions. Mais par contre, à chaque fois, c'est vrai qu'on a... Alors, je vais parler surtout pour Bob et moi, personnellement. Mais c'est pas ça, c'est revenir à la voiture pour... savoir si elle était là déjà. Déjà, parce que des fois ça peut bouger les voitures. C'est important, hein, savoir si elle était là. Il y en a qui défoncent les voitures. Il y a aussi ça, on a vu ça en arrivant sur le parking, on balancera pas qui, mais quelqu'un. Attends, on aurait pu aller voir. Ni l'immatriculation ni la marque de la voiture. On pourrait aller voir si elle a fait une marque sur les autres. Qu'est-ce donc ? Oui, vas-y, tu vas voir. Oh, bah c'est rien que l'odeur déjà. Ah, attention, on est sur une dégustation. D'ailleurs, on pourrait faire une pub pour les alchimistes. Encore, tous les ans. Alors, déjà rien que au nez, elle est terrible et au goût, elle est fruitée. Bon, en tout cas, j'allais dire que Bob et moi avons quand même un peu loupé chaque début de concert. C'est vrai. Parce qu'on a la faute de Jack. Hein. Exactement. Clairement. Oui. Parce que des fois, on a été voir des gens et puis après, on a été voir d'autres gens. Ouais. Puis on a discuté avec des gens. Des gens. Ouais. Voilà. Donc et à même à un moment donné, on a lancé des haches. Mais ça n'a rien à voir. Sur des gens. Avec des gens. Il y avait des gens autour. Il y avait des gens devant. Ah merde. Ouais, mais ils ont eu peur. En fait, ils ont mis des... Ouh. Du coup, ils ont loupé et ils ont atteint la cible. Wow. On a atteint la cible. Et donc, nous voilà déjà au deuxième concert, à savoir Missing Mile. Qu'est-ce que tu en as pensé? Merci à toi, Jack. comme ça, ici les studios. Oui, alors, bah, très bien. Missing Mile, franchement, excellent. Je dirais même meilleur que l'année dernière. Bien sûr. Franchement, aussi bien niveau énergie, au niveau réception avec le public, enfin, tu sais, échange avec le public et tout. Parce qu'il y avait du public. Il y avait du public, tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, ils ont clôturé le festival. Ils ont clôturé, il y avait personne. Cette année, ils étaient en deuxième. Donc forcément, tout de suite, c'est plus facile parce qu'il y a du monde devant. Ouais. Mais non, très bien. Franchement, très très bien. Bonne énergie. Rien à dire. Franchement, excellent. Et puis ouais, petits échanges avec le public, c'était plutôt assez cocasse parce que de ce que j'en ai compris, il y a une guitare qui a été rajoutée un petit peu sur scène par inadvertance comme ça. Bah parce qu'en fait sa tête de guitare a pété. En fait elle était fendue. Il a dit bon bah et pff, il a pété devant nous comme ça. Voilà. Donc et voilà, il a changé de gratte. Mais derrière en coulisses, il avait l'air un peu ça va me coûter cher. Cette oui, la blague va me coûter cher. Ouais. Mais bon après voilà, excellent, très très bien. Missing Mile, je recommande. Bien sûr. Petit groupe de Caen. Alors Missing Mile, une putain de claque. En fait, bah là, enfin, je sais pas, tu rentres dans un délire où tu te sens bien, tu commences à te laisser aller et ça marche direct. Et franchement, ça a envoyé grave. Et c'est vrai que l'échange avec le public a été super bon. Et par rapport à la dernière fois où on les avait vus, c'est sûr que bah, c'était une meilleure réception pour eux, je pense. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde, ils étaient... peut-être plus, il y avait plus de présence en fait sur scène. Je pense que c'est normal en fait quand t'as du monde. En fait, quand tu termines une soirée, que t'es là pour en découdre et qu'en fait les gens sont tous barrés, bah ça doit te miner un peu. Alors que là, là ils étaient là en mode il y a du monde, il y a du public qui est là, les gens réagissent. Bon bah voilà. C'est ça. Ils étaient vraiment, ils passaient au bon moment en fait. Je trouve. Oui et puis sûrement que Decazia. Voilà, je pense c'est ça. Comme ça aussi, voilà. En fait, ils sont passés vraiment au bon moment et franchement, c'était juste énorme. Donc, franchement, un très très bon concert et j'aurais bien acheté l'album aussi. Donc, purée, merde, et je sais comment. À toi, Chloé. Ouais, je sais. Moi, j'ai adoré aussi le fait qu'ils passent juste après Decazia. On était vraiment dedans et donc, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'on peut dire que, alors par rapport à hier, sans vouloir faire une distinction directe, mais il y a une espèce de continuité qui se fait toute seule entre les groupes, là. Et ça fait que monter. C'est... Oh là, attention, on gêne. On s'est pas assis dessus, promis, hein. C'est pas les miennes. Non, les traces de fesses, à l'arrivée. À l'ADN, l'ADN. Non, mais j'avais mon short encore. Au moins une partie. Non, ça va, pas sûr. On a eu là-dessus, ça pique pas. Mais c'est pas l'heure de partir, par contre. Hein. Il y a un enfant. Ah. Oui, il est tout petit. C'est vrai. Bah oui. Bah Lofo. Il y en a un deuxième à la maison avec maman, donc. Ah, je crois que c'était dans la voiture. Lofo, Stone from the Sky. Hein, Stone from the Sky après Lofo. Il a 4 ans. Celui-là. Il a 4 ans. Ah bah ok, alors oui, d'accord, oui. Bon bah là, j'ai pas d'argument là. Bah oui. Il y a pas d'argument. Il y a pas d'argument. Ah bah c'est dommage. Il y avait des super concerts. C'est rien, c'est un truc en vie. Tu seras dans la boîte. Merde. Ah, ah bah on s'est pas quitté donc ça compte pas. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça. C'est l'incognito. On dit rien. Non mais pas de concert alors. Ah non, j'aime bien mais pas. Pas au point d'aller voir. Non. Je comprends. Okay. Concept d'un concert. Bah, je trouve un petit peu cher. Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Non, bah, je sais pas. C'est vrai que je me rends pas compte. Bah, non, je me rends plus compte de ces bassesses. Moi. Invité, payer les places? Oh non, c'est un truc de malade. Bon, voilà. Ça n'a rien à voir. Oui, monte dans la voiture, fais ta choix. Bah non, il y a Victor qui va venir. Que chez vous, qui est encore coulé. Ah ouais. Et vous n'allez pas boire un coup à la buvette? Bah, oui, bah, on fait que ça. Eh bah, tu as bien raison de le dire et on ne le fait pas. Tu sais pourquoi? Parce que on est raisonnable, on boit ici. C'est moins cher, c'est moins cher et on en plus. Ah, c'est fou ces gens qui jugent. Moi, toi, j'ai pas été au comptoir, mais je suis venu boire un coup ici. Ah, bah ça s'équilibre en fait. On fait juste pas le même métier. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. On est animé par le même principe, voilà, c'est ça. La même femme. Oui, ce qui compte au final, bon, on a consommé. Pas de la même manière, mais. C'est que vous avez un Sam en partant. Ah bah, Sam. Il est là. C'est moi, Sam. Ouais. Quelqu'un, on est hyper réseau. Ouais, c'est vrai, hyper organisé. Ouais, grave. Tiens. On a commencé à boire, on lui a dit, il n'y a plus que toi. On va le renommer Sam. Ouais, et puis c'est pour notre santé qu'on fait ça. Et la tienne. Et la tienne, surtout. À tous. Saint-Lô. Saint-Lô. Oh, ouais, 40 minutes, hein. Et 150 contrôles. Je vais avoir 1 minute 30 pour rentrer chez moi. Ah, allez va. Je suis venu à pied, j'aurais mis 2 minutes. Ça va, juste ça pour va. Boire des coups. Eh ben. J'aurais pu regarder le match de PSG dans la télé en buvant une bière, mais... Pas eu envie. Ouais, moins sympa. Non, j'ai eu tiens, je vais voir du monde. C'est bien. Que je sais que PSG a gagné. Mais... Ah, bah, voilà, en plus, c'est... Bon, bah, comme ça, c'est réglé, alors. Ah, puis là, au moins, ils ont gagné une étoile pour acheter. Oui. Ah, oui, c'est vrai que pour une fois, on va dire ça. On peut dire ça. Cette fois, on peut le dire. Donc, sans... Ils ont pas Bernard Tapie pour payer. C'est vrai, vieille ref, mais très vieille ref, mais on l'a quand même ici parce qu'on est vieux. Ça c'est bon. Parce que malheureusement nous sommes vieux. Et c'est ça qui est dommage. Pour Marseille, non. Non non mais c'est pour dire que Bernard Tapie ça parle peut-être plus aux jeunes. C'est ça que je veux dire. Pas pour le foot. on est ni pour ni contre. On est mitigé. On est mitigé. Bon bah bonne fin de soirée dans ce cas-là. Ah bah y a pas de soucis. Nous on court. Mais merci. Salut, bonne soirée. Attention sur la route. Un message quand vous êtes rentré. On va peut-être prendre le 06 au cas où. On en était où Chloé? Je sais plus. J'ai donné mon avis, j'ai dit que j'avais aimé. T'as missing mal. T'as donné ton avis, c'était bien, c'était chouette. C'était chouette. Alors toi tu vois qu'il y a plus, tu fermes la porte. C'était celui d'avant. Ah d'accord. Mais ça allait bien là, dans la continuité. Bah, ouais, c'est vrai. Il a 2 minutes. Non, il avait 1 minute 30 en voiture, 2 minutes à pied. Oui, mais c'est pour ça que c'est toujours très bizarre. Pourquoi t'es pas venu à pied dans ce cas-là si tu viens pour boire un coup. Surtout avec un enfant. Mieux prendre un enfant risques. De 4 ans. Ouais. Il était petit quand même. Il était bourré en voiture. Bah, je sais pas, écoute. Et là, on entendait un bim. Non, il était pas. Après, il était pas désagréable. Il était fort sympathique. Non, c'est pas alcoolique. Je veux pas défendre quoi que ce soit, mais pour dire, des fois, t'as des nanas qui sont sobres. Et qui sont là sur un parking, qui veulent juste se déplacer, qui arrivent à emboutir des bagnoles sans le vouloir. Ce qu'on a vu en début d'après-midi. Et des mecs qui sont bourrés, avec des enfants dans la bagnole, et qui conduisent très bien. Bah, oui, je ne défends rien du tout. Mais il y a des choses. Je constate, je constate. Après, c'est vrai quand même, plutôt que partir tout droit, elle a légèrement pris un virage dans une voiture. À 90 degrés. Bon, voilà. Et on n'a toujours pas été voir. Crash. Hey, j'ai envie d'aller voir quand même. Hein. J'ai quand même envie d'aller voir. Ça. Et non. Bonne manière, elle doit être par là, c'est à côté de. Ah merde, ils sont partis. Mais non. En fait, tu vois la bleue là, et ben la C3 était juste derrière. Non, c'était un peu plus loin. C'était plus loin, non, c'était par là. Moi, je vois la voiture rouge un peu plus loin. C'est la C3 grise qui est là-bas. Ouais, ouais, elle doit être encore là, ouais. Bon, on va aller voir. On va aller voir. On a les noms. Tu as fini avec Missing Marine, Chloé? Oui. Eh ben merci beaucoup. Marine, à toi. Bonsoir. Hein, bonsoir. Pour elle. Elle croit que ça. Mon avis, du coup. Ah, il est roulé en plus. C'est pour ça 1 minute 30. Comment c'est ça? Ah la vache, oui. En fait, il habite à Saint-Loup. Ouh. Eh ben, très agréablement surprise. Après, mon cher et tendre m'avait. Mais non, mais je parle pas de toi. Non, après, mon cher et tendre, ici présent, m'avait déjà fait écouter, donc je connaissais un petit peu. Ouais, je suis comme ça. Je partage la musique. Ouais. Mais après, sur scène, franchement, c'est une grosse tuerie. Non, mais vraiment top. Très, très contente d'avoir pu les... Mais vous allez m'écouter, bordel. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est ouais ça, c'est bien, on approche, tu commences. Hein, tu peux postuler pour l'année prochaine. Non, mais franchement, très contente d'avoir pu les découvrir en live. C'était vraiment top. Voilà. Merci à toi, Marine. Mais, Seb, petite histoire, Seb. C'est moi-même. Tu as une petite histoire avec Missing Mile. J'ai une petite histoire avec Missing Mile. Moi. Bah oui. Mais arrête, ça, c'est ma vie privée. Oh. Pour raconter les anecdotes, c'est ça qui nourrit le récit. Non, en fait, je voulais acheter un t-shirt. Oui. Donc j'ai été sur le bandcamp du groupe. Oui. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de t-shirt dans ma taille. Mmh. Donc XL, si vous voulez faire des cadeaux. Je pense pas que les gens soient là, mais quand même. Donc j'aurais envoyé un message privé sur Instagram en leur disant, en leur demandant s'il y aurait du merch au Graff du coup. Mmh. Parce que j'avais constaté qu'il n'y avait plus de t-shirt disponible en XL. Et ils m'ont répondu avec une photo en me faisant une photo d'un t-shirt dans ma taille en me disant que c'était le dernier et qu'il le ramènerait. J'ai un petit peu de mal. Madame, s'il vous plaît, je vous emmerde. Oh. ça sera coupé. Pas trop, hein, pas trop. Hein. Et donc, il ne ramenait. Tu crois que je vais réécouter pour aller couper le moment hors de question. Mais oui. Non, mais et voilà, Missing Mile, vraiment top. Après, moi, j'étais déjà conquis avant. Ça n'a fait que conforter mon avis sur le groupe. Très bien. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que, pour une fois qu'ils aient du public, c'était vraiment agréable. On est samedi soir, ça commence. C'est elle qui a commencé. Est-ce qu'on se tente une petite, un petit retour rapide? Non. Je dis plus sur Appaloosa. Est-ce qu'on en parle vite fait? Est-ce qu'on a encore un peu le temps avant le Fofora ou il n'y a pas grand monde dehors, je pense que ça va vite se remplir. Ah, donc tu penses qu'il faut aller à le Fofora mais ou on le garde pour le retour, c'est pas grave, hein, on peut. Le retour, ça peut être... Bon, on va arrêter là. On va venir, on voulait aller voir dans quel état était l'autre bagnole, donc on va aller là. Bon, bah, on vous laisse là et on revient plus tard. À plus tard, les gens. À plus tard. Au revoir. Ah, c'est ce qu'on vient de dire, Marie, une suit un peu. Non, mais Marie, une suit un peu. On s'en fout pas, non? Quelqu'un veut bouffer un truc ou ça va? T'as quoi? J'ai un sneakers, Kinder Delice. Alors, un sneaker? Putain, je vais pas en avoir assez des sneakers. Ouais, je vais prendre un Kinder Delice. Oh non, attendez, j'en ai pas mangé hier. Parce que c'est un délice. Attends, parce que ça continue d'enregistrer. Tiens. C'est nul. Tu serais mauvais pute. Ok, on avait dit roule ta paille. Bah lui il a cassé sa pipe. Mais non mais merde, tu sors des blagues. Attends, les gens ils vont pas comprendre. Les gens ils vont pas comprendre. Attends, tiens, prenez un micro. Alors nous le Graff Zeppelin, c'est fini. C'est fini. Si bah, c'est vrai, c'était... Alors on est dans la voiture sur la route du retour. Donc techniquement c'est fini, hein. On va donc vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Ouais, prends par là. On en était où? On en était à Appaloosa, de mémoire. Ça remonte, hein? Appaloosa, ça a commencé encore. Appaloosa, mais c'était tellement... On allait voir Appaloosa, mais comme on l'a déjà vu, on peut en parler. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être commencer par Seb, parce que c'est Seb, il l'a vu récemment aussi, Appaloosa. Oui, exactement. Alors, Appaloosa, comme toujours, c'est top, quoi. Vraiment, tout ce que j'aime. Enfin... Est-ce t'arrives à conduire et parler ou c'est galère? C'est un peu galère quand même, okay. Mais voilà. Si on se plante, ça sera de ta faute. Bah super. La faute de qui? De toi. Bah, et pourquoi? De la mienne, c'est moi qui conduis. Ah bah oui quand même. Mais t'as trouvé comment le concert de ce soir? Très très bien. Oh, ok, merci Sab. Désolé. Non, mais y a pas de soucis, on comprend. On comprend que... On fera simple. Marine. Très bien aussi. Faut que tu parles dans le micro, que quelqu'un lui pointe. Ouais. Ouais, alors après, il y a toute la soirée qui s'est passée. Alors moi, ma mémoire, elle flanche un peu. Ouais, c'est un peu plus dur. Bah, c'est, ouais. Mais dans mes souvenirs, j'ai beaucoup aimé. Non, franchement, c'était vraiment top. Voilà. Après, ça ne pouvait être que top parce que nous, on les avait croisés un peu avant en backstage. Et Bob leur avait dit non, mais votre concert, il va être vachement bien, on le sait déjà. Du coup. Non, mais lui, voilà, c'est vrai. C'est... Non, puis il lui a dit après, il fait bah, tu m'avais dit, donc c'est normal, il était bien. Il lui a redit après, ils se sont fait. Un petit échange comme ça. Parsi, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors, et ben moi j'ai carrément adoré. Et franchement, j'ai pris une putain de claque. J'ai surkiffé pour tout, pour la photo, pour la musique. Tout était trop trop bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde en plus. Franchement, j'étais super bien pour me déplacer. Enfin, non, franchement, c'était top. Les choix des morceaux étaient juste génial aussi. Que des morceaux que j'adore. Donc, franchement, un très très bon concert. Bah, c'est vrai que si on faisait un point de minute sur la lumière, c'était l'opposé total d'hier. Ah, les lumières étaient incroyables. Ouais, franchement, on avait l'impression de retrouver les lumières qu'on avait l'habitude au Graff. Complètement d'accord. Je sais pas si hier il y avait vraiment un choix particulier de vouloir donner une ambiance. Mais ah, là, la soirée black metal. Peut-être c'était ouais, pour peut-être, ça, ouais. Peut-être, mais. C'est plus sombre, peut-être. Mais non, franchement, c'était vraiment top. Un très très bon concert. Et j'aimerais bien même les revoir, franchement, pour un set plus long. Vous les aviez pas déjà vus, vous ? Si, on les avait vus au Lunatique, mais c'était pas les mêmes morceaux, tu vois. Ouais. Et donc là, franchement, le choix des morceaux était vraiment très très très bon. Ok, très bon. Bob ? Bah, il y a peut-être Chloé d'abord. Ouais, bah vas-y, fais passer Chloé. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Ben moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, si c'était à revoir, et ben j'irai les yeux fermés. Ouais. Est-ce que tu as fermé les yeux? C'est très marrant. Oh, Chloé. Ouais, c'est marrant, ouais. Elle est à l'autre bout de la voiture, elle a de la chance. Mais si tu vas les yeux fermés, tu vas rien voir et tu vas tomber. Super. Bon, non, bah apparemment, elle t'as aimé. Pas de problème d'oreille interne, elle. C'est vrai. Toi, t'as pas de problème d'oreille interne parce que tu es jeune. Bon, on va dire que t'as bien aimé, alors super. Bob. Ah oh, la vache. T'es, il est vraiment sans déconner. Tu sors. Je suis vraiment gentil. Freine pas, Seb. C'est gentil, Clem il l'a dit. C'est vrai. Mon copain Clem il l'a dit. Eh ben va avec eux, tiens. Vas-y, je crois qu'ils partent plus loin. Appaloosa, bah on a un petit peu arrivé à la bourre, nous. Hein. Ouais, bah. De la faute, hein, on va certainement en parler tout à l'heure. Mais très très bien. Le ce qu'on a vu en fait, parce que je vais pas dire le peu qu'on a vu, parce qu'on a vu une bonne partie quand même du show. Et c'était très très très bien. Franchement, bah moi j'adore, c'est tout ce que j'aime quoi, c'est énergique, c'est rock'n'roll, c'est, enfin je veux dire voilà quoi, il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi pour passer un bon moment, tout simplement. Par donc contre, c'était très très cool. Je l'ai pas le pourquoi on est arrivé en retard. Bah si, parce qu'on a lancé des haches. Non, justement, c'est pendant. On est parti à un moment. Non, c'était avant. Hein. Non, c'était pendant. On s'est c'était éloigné. Pendant. Ouais. On a en fait à un moment donné, je te dis viens. Ah oui, c'était oui, complètement. Donc c'est de ta faute. Ouais. En plus. Donc bah on a vu une bonne partie du show, mais tu m'as un petit peu fourvoyé. Ça va, t'as pas été très très dur, non. Ça manque. Voilà. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, on a juste été faire un petit tour rapide. En fait, on a voulu faire un petit tour derrière. Il y avait personne. Du coup, on a coupé. On s'est retrouvé dans le village parce qu'on s'est dit on veut peut-être trouver un truc à manger où il y a pas grand monde. Et c'est là qu'on a vu, et je dis à Bob, putain, Tonaï m'a filé deux capsules, viens on lance des haches en son honneur. Ouais. Et du coup, on en a fait, on a discuté un peu avec le mec qui est là toute la journée, il a dit c'est pas trop chiant, il fait non, ça va, je fais ça à la cool. Je sais pas si on peut le dire là, mais non, je vais pas le dire. C'est pas j'ai trop envie de le dire aussi. Je le dirai en off. Non, c'est pas... Mais en tout cas, le mec, c'était son truc à lui. C'est lui qui a vendu ça au graphe, la cible et tout. Et lui, il a ramené ses propres haches qu'il prête pour le faire. Mais il reste ses journées à faire ça. Et si tu donnes une capsule, t'as 5 lancers. Donc on a fait chacun nos 5 lancers qui ont été nuls. Les 5. Et il nous a dit vous êtes cool, allez-y, continuez, faites-en encore, il n'y a personne. C'est là que Bob en a refait 3 et là, il l'a planté. J'en ai refait 3 et là, je l'ai planté. Et on parle du mec, hein, pas de la cible. Ouais. On a lancé le mec. Il s'appelait Nathan, il était super sympa le gars. Il avait un H. On lui a pas demandé. Ah là là là. T'as dit quoi Seb? Avec son H. Putain, on lui a pas demandé non plus. Excellent. Oui, ça fait un jeu de mots par rapport au lancer. C'est parce que Chloé a un Nathan. Ouais, mais il est peut-être pas lanceur de. Là, il est lanceur de couteau. Oui, surtout parce qu'en du coup, plus. Nathan avec couteau ou sans couteau, ça marche. Ouais, ça parce que pas, Nathan, quoi. Quand on est arrivé, il lançait des couteaux et on a dit. Et Bob lui dit on peut prendre tout. Il fait ouais, tout sauf les couteaux. Je fais, ok, bon, c'est pas. Donc on a lancé genre c'est réservé aux professionnels. Ouais. Alors que non, c'était de la petite hache. Un petit marteau quoi. Ouais. Et après on est revenu voir la fin du show. Donc on n'a pas été absent très très longtemps. C'était une bonne expérience de lancer du hache. C'était pour Tonaï, d'accord. Chloé, tu te calmes. Ouais, c'est vrai que Chloé, hein. J'aime la musique, je ferme les yeux, c'est parce que t'es bourré, oui. T'as vu le merdier qui est fou là, sans déconner. Ouais, je suis à l'arrière, c'est ma cage, je fais ce que c'est je ça, veux. Ah, c'est ça, elle sera à Lyon, de toute façon. Ouais. Du coup, Appaloosa, moi, je vous rejoins totalement, c'était top. En plus, j'en avais un peu écouté avant de venir aujourd'hui. J'aime bien, parce qu'ils ont une espèce de petit côté grunge, en plus, dans leurs morceaux qui ressort. Et ça m'a vraiment bien, bien plu. Et à un moment donné, j'ai entendu Parsi dire « J'achèterais bien un album ». Oui, mais je savais pas lequel. Elle a dit à chaque groupe. Je savais pas quoi faire. Et si tu notes, il y a Bob à un moment qui a dit ouais, enfin Appaloosa on en a déjà, hein. Donc c'est vrai. Ouais. Et ensuite donc on a été manger, je crois, hein, tous plus ou moins. Non, j'ai mangé devant Appaloosa. Ah oui, vous avez mangé avant. Ah oui, t'as pas faim d'ailleurs toi? Non, ça va. Bon bah Bob et moi-même avons dégusté un petit wrap en compagnie de Manu et sa femme. Je suis en train de me demander, mais je crois qu'il m'en reste. Ah bon ? Ouais. T'as de la chance, toi, dis donc. T'as pas tout mangé ? Non, je suis pas sûr. Mais si, t'as tout mangé, je crois. Eh ben, je crois pas. Bon, hein. Bref. Après, on s'est dirigé rapidement parce que ça avait déjà commencé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ils ont pris du retard, ça a été un vrai bordel dans les heures. Moi, j'étais incapable de savoir... À quelle heure il fallait... Ouais, ouais, ouais, ça m'a complètement perdu. Et donc, on se fiait au bruit, mais entre les balances et les débuts des concerts, c'était un peu tendu. Du coup, Red Sun avait Atacama a commencé. Vous y étiez tous, sauf Bob et moi-même, qui sommes arrivés encore en retard. Bah, je vous en prie, hein. Vous en avez pensé quoi de Red Sun ? Bah alors Red Sun, encore une claque de ouf en fait. La proximité fait que en fait tu rentres encore plus dans leur truc, dans leur musique, je trouve. Et bah pareil, une grosse claque aussi, je peux rien dire de plus, des putains de musiciens, ça marche, ça t'embarque très rapidement en fait. Ils sont tellement dans leur truc en fait. Ouais. Ils sont vraiment dans leur truc, mais ça marche quand même en fait. Mm-hmm. Ils sont très concentrés, ils sont très... pas forcément tourné vers le public, ouais. mais franchement, mais ça marche tellement bien. Enfin moi, pour moi en tout cas, ça a vraiment fonctionné quoi. Bah. Je suis parti très très vite et j'ai pris un pied phénoménal en fait. Je te rejoins complètement parce qu'on les avait vus nous l'année dernière au Hellfest, donc sur la vallée, ouais. En ouverture de journée, c'était déjà excellent, mais je te rejoins sur le côté, la proximité a renforcé encore le plus le truc. Complètement. Parce que là, il y avait du monde, mais on arrivait quand même à être bien devant. Et franchement, ce qu'ils envoient, c'est ouf. C'est tous des super musicaux. C'était vraiment un super concert de ouf, quoi. Et c'est chiant parce qu'on est en train de dire un peu la même chose de tous les concerts. Bah, franchement, ils étaient tous énormes, les concerts. Ouais. Ouais, je pense que franchement, directement dit la soirée, elle était comment. Ah, mais vraiment. Plus simple. Ouais, c'est bien qu'on parle des groupes quand même, mais c'est vrai que. Après, il n'y a pas un groupe. Le truc, c'est ça, c'est. Ils étaient tous énormes, ouais. Mais bon, allez, c'est pas grave, on continue quand même. Alors, moi, je suis désolée. Attends, mais... Marine. Ah, vas-y, Marine, vas-y. Marine. Moi, je suis désolée, mais Red Sun en tête, j'ai adoré. Non, mais moi. Ah, ça y est. moi, je suis désolée, hein. Moi, j'en ai gros, hein. Donnez-moi la parole. Non, moi, j'ai moins aimé. Ah, bah voilà, ça, c'est bien. Et pourquoi ? C'est moins mon. Délire. C'est vraiment mon truc, ouais, non mais c'est vrai, après je remets absolument pas en question la qualité de leur musique, mais c'est moins mon kiff. Ouais, ça arrive, hein. Voilà, ça après, c'est moins rentré dedans, quoi. La musicalité était juste parfaite, mais c'est moins mon truc. Ok. Voilà. Il y a un autre point d'ailleurs qu'on peut noter, parce que sur la qualité des groupes, bah, même ce qu'on aime ou n'apprécie pas, c'est qu'ils étaient tous quand même un peu habités par leur musique. Hein. Ah, mais complètement. Ils étaient tous à fond dedans. Ouais. Un petit passage par Chloé. Et si elle dort, ou elle boit peut-être. Ou elle boit en dormant. Non, c'est bon. Non, après Red Sun. Après, ouais, Red Sun, je trouve pas que... T'as pas aimé, Chloé ? Non, mais c'est... moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est juste que j'ai rien à rajouter, rien à dire de plus. Voilà. Ouais, c'est parce que t'as mal pris les vannes, hein. Ouais. Après, Red Sun, ouais, on je ferme sur les un yeux. Truc vachement quand même assez... Je dirais pas planant, je sais pas si c'est le mot. Bah, oui, ah si, quand en même, fait, un en peu fait, planant. Ils ont un côté à vouloir justement faire planant et après venir t'exploser la gueule derrière, ouais, de rebondir. C'est pas totalement planant justement, c'est un espèce d'entre-deux, c'est un petit voyage, ouais. Mais un voyage avec quelques périples. Ouais, c'est vrai. Dans ce sens-là. Bah, franchement, ça a bien fonctionné sur Merci. Moi. Hein. Franchement, j'ai su. Qu'est-ce qu'il en a pensé, le Bob ? Bonsoir, je suis Bob. C'est vrai. qu'est-ce qu'il en a pensé ? Red Sun, bah ouais, bah pareil en fait, pas la même claque qu'au Hellfest, mais. Bah le même résultat en fait, tout simplement quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que bah les mecs ils posent leur zik et voilà quoi, et ils t'embarquent complètement quoi. Donc ouais non, moi je suis complètement client du truc et ouais j'ai kiffé quoi. D'un bout à l'autre quoi. Une petite heure passée trop vite encore. Bah. Mais voilà quoi, après pour. Ça moi je m'en remets pas de la journée moi. Enfin, bah en fait c'est la journée passée trop vite, mais là on parle de Red Sun donc ouais non mais, voilà, mais ça s'est enchaîné tellement Bah on a eu que du bon donc forcément ouais carrément quoi et... oui, mais c'est vrai quoi, ils ont leur univers est complètement dingue quoi de multi-musique entre l'énergie, le planage puis même, tu sais, je trouve que ça t'embarque. Oublie pas de parler au micro. Il y a un putain d'équilibre en fait entre tous les musiciens, je trouve. Mm-hmm. Tu vois, il n'y a pas un musicien qui est au-dessus, ni le chanteur qui est au-dessus. Vraiment, il y a vraiment... Je trouve qu'il y a un équilibre qui est vraiment bien présent. Ils sont tous super bons et on le ressent vachement, ça, en fait. Ah ouais, le guitariste est très grand aussi. et le bassiste est un peu plus petit. Donc, ouais, on a fait le tour. C'est le meilleur pote à Jack. Ouais, c'est vrai, c'est mon nouveau meilleur copain. Ok. Putain, je sais jamais comment je fais. T'as beaucoup de copains en fait, meilleurs copains. Surtout celui-là en fait. Seb, t'en as pensé quoi toi? Redson Atacama, c'est top. Moi, j'aime beaucoup le jeu du batteur. Ouais. Je le trouve, il est super énergique. Pareil, il est habité par. Moi, je préfère le jeu de Clem, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est parce que c'est ton meilleur pote. Non, mais c'est pas. Je vais faire la part des choses. Moi, je préfère le Cluedo. Non, mais je rejoins tout ce qui s'est dit, ils sont vraiment au top et voilà, enfin il n'y a rien d'autre à dire en fait, moi c'est tout ce que j'aime et voilà. Bah, là c'est vrai que c'est un peu triste du coup parce que c'était, enfin sauf Marine qui a été moins cliente. Donc du coup après on est retourné dehors boire un coup je crois. Hein. Ouais. Oh pour la 20e fois. Ah ouais, non, mais là c'est un scandale. Hein. On y a été. C'est un scandale. Ah ben non. C'est un scandale. C'est un scandale. Hein. Non mais. Je suis pas sûr. Ouais, on va regarder tout à l'heure, mais je pense qu'on a. Ouais. C'est pas très simple. On en est pas loin. Donc une nouvelle fois, vous êtes parti directement voir Lofo. Vous dès le début, vous y étiez, je crois. Ouais. Oui. Parce que Bob et moi, on est encore arrivés un peu en retard. C'est pas de ma faute. Non mais je sais même plus. Vous avez fait quoi en fait? Y a pas un moment où j'étais parti au chiottes moi. Je sais plus. Et tu m'as envoyé un message, t'es où machin. Non mais ça c'était en début de journée ça. Ouais d'accord. C'est l'année dernière ça. Tu m'attendais apparemment à l'OFO. Mais oui en plus. Tu m'attendais alors que j'ai dit en fait il y a trop de monde alors je vais pas aux toilettes. Truc de dingue, j'ai attendu un quart d'heure devant les chiottes que Parsi elle sorte alors qu'il n'y avait pas Parsi dans les chiottes, elle était devant le groupe. J'étais dégoûté quoi. Bon bah écoutez, je vous propose d'enchaîner avec Lofo. Alors Lofo, on va dire que c'est le petit point à limite musical qui vient changer la soirée. Ouais. Parce qu'on était sur une espèce d'ambiance et là Lofo ça va venir un peu modifier cette ambiance. Et d'ailleurs ça s'est vu parce que quand moi je suis arrivé dans la salle était remplie. C'était blindé. C'était blindé de ouf, ça a fait drôle et surtout les mecs étaient là pour en découdre. Hein. Ouais. Parce que moi j'étais vraiment proche de la scène et tout, il y a des moments ça pogotait tellement que j'ai dû reculer parce que je me prenais des coups. Avec mon appareil dans ces cas-là, je dis oh, j'aime pas trop rester dans la violence, mais ça avait vraiment, c'était un peu le pit était un peu en feu. Je sais pas ce qu'il leur a dit Renaud. J'ai l'impression qu'il les a un peu énervés. Mais donc du coup, une autre ambiance, autre concert. T'en as pensé quoi, Seb? Bah moi, Lofofora, j'aime beaucoup. J'écoutais ça quand j'étais ado. Ouais. Il y a eu quelques titres de l'album Peu, notamment. Donc oui, voilà, enfin, c'est un groupe que je voulais voir, que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Et c'est efficace, c'est du Lofofora, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est efficace. Par contre, moi, j'ai juste un petit bémol qui n'est pas du tout sur la qualité du groupe parce que ils n'ont plus rien à prouver et ça se voit. Là, on a appris que leur bassiste avait une petite opération, Phil, et donc il était remplacé par le bassiste de Mudvisor qui a largement fait le taf. Ça, c'est sûr. Renaud était en grande forme, comme on a pu lui dire à la fin du concert. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai trouvé justement un léger décalage avec le reste de la soirée. Ouais. Ah oui, et ça fait que même si j'ai trouvé le concert vachement bien, j'étais moins dedans en fait. Ça a été un peu mon moment de repos où je reprenais des forces. J'étais en mode, j'étais pas dans ce move là quoi. C'était moins mon mood. C'était un truc. Je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que j'étais dans une autre, dans un autre truc quoi. Donc ça, je l'ai un peu vécu comme ça moi. Et toi, le Bob? Moi, le Bob? Ouais. Lofo, toujours un grand plaisir de les voir, hein, forcément. Renaud, toujours un grand plaisir de le voir. Il a cette présence scénique qui est juste, voilà quoi. Il sait mener sa barque, hein, tout simplement. Hein. Franchement, c'est le mec, tu lui fais pas quoi. Donc franchement il va diriger le public complètement là. Il en fait ce qu'il en veut. Hein. Ouais carrément quoi. Et le public répond présent quoi. Ouais. Donc mais après moi j'ai trouvé ça tellement bien qu'ils reprennent plein de morceaux en fait de plusieurs albums différents. Vraiment j'ai trouvé ça tellement cool. Comme tu disais Seb, l'adolescence quoi. J'ai eu mon petit moment un petit peu dur avec avec éclairé, comment, que de temps en temps. Comment c'est le morceau C'est des jeunes. Macho Blues, voilà, je cherchais le titre. Ouais. Moment assez dur avec Macho Blues, ouais, franchement. Mais voilà. Sinon non, franchement très très cool. C'était vraiment un bon concert. Mais oui, comme tu le dis, je me suis fait aussi la réflexion de me dire, il est placé un peu bâtard ce concert. Bah ouais. Mais après voilà quoi. C'est, Mais il a fait venir du monde, voilà. Il a fait venir du monde et c'était pas déconnant sur l'affiche. Non, quoi, non, mais... ça l'était pas, mais sur le, musicalement, sur le truc, ça faisait un grand écart. En fait. Voilà. Non, pas un grand écart, non, c'était un petit bémol. C'était plus l'énergie, on va dire. Voilà, l'énergie que ça dégageait à ce moment-là était un peu différent. Était complètement un grand écart de du reste de la, du début de journée. Quoi. De la promo, voilà. Et de fin aussi. Et de fin. Par-ci, Lofo ? Oh bah moi j'étais contente de les revoir aussi, je les ai déjà vus pas mal de fois, mais comme c'est vrai que c'est un plaisir de les revoir, il n'y a pas de souci pour moi. J'ai carrément kiffé le choix des morceaux aussi, donc plutôt un bon moment. Mais après je suis assez d'accord sur le fait de dire que c'était vraiment assez différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Et donc du coup oui, il y avait un petit... il fallait se remettre dans un mood différent, on va dire. Oui. Mais un très très bon concert et une bonne ambiance en plus au final quoi. Oui oui, clair, malgré carrément. Malgré les petits certains soucis. Ah oui, bah oui, bah, on va pouvoir en parler, hein. C'est, y a pas de tabou, hein. Yes. Marine, cliente ou pas de Lofofora? Punk ou pas? Je ne connaissais pas. Seb m'avait dit que ça allait pas forcément me plaire. Ouais, ouais, ouais. C'est compréhensible. Mais alors grosse surprise, franchement, j'ai à 100% adhéré. Ouais. Un gros échange avec le public, c'était fou, clairement. Mais vraiment top. Ouais. Franchement, je retournerai avec plaisir les voir. Ah, bah, tu vois, c'est donc une bonne découverte pour ouais, toi. Franchement, mais une ambiance de folie. Il est à fond sur scène. Ouais. Vraiment top. Ouais. D'ailleurs, j'ai bien aimé le mec de la fin là, qui est venu nous dire « Ouais, franchement, il joue pas les morceaux, machin. » Moi je me suis barré. Tu veux ou pas? Et toi le Jack? J'ai dit moi. T'as dit toi? Ouais, c'est moi qui ai dit qu'il y avait j'avais une différence d'ambiance. C'est et vrai, tout ça. C'est vrai. Ouais, on va en parler un petit peu quand même. Il y a juste eu un petit. Comment dire? Il semblerait que. Il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise pendant le concert. Ce qui a fait arrêter le concert deux minutes, le temps d'évacuer la personne. Et en fait. Apparemment, la personne était en arrêt cardiaque, on l'a appris par la suite. On n'en sait pas plus, mais voilà, ça a été un petit incident. On n'en sait pas plus non plus sur l'état de santé de la personne. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails là-dessus parce qu'on ne les a pas. Mais voilà, c'est arrivé. Les groupes ont quand même continué à jouer parce que c'était la meilleure des choses à faire. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur le coup. Enfin, l'enchaînement, parce qu'il y a eu d'abord le malaise. Renaud qui a stoppé tout en disant « Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas l'air bien ». Hop, évacuation, puis après quelqu'un qui est venu sur scène pour dire oui, il a fait un arrêt cardiaque, voilà. Bref, c'était le petit événement en plus de la soirée. Tu nous manques, Arnaud. Hein ? Et on espère qu'il s'en est sorti quand même. T'as dit quoi ? Non, je disais tu nous manques, Arnaud. Ah, et tu nous manques, Arnaud, ouais. Et on espère bien sûr qu'il s'en sorte, ouais, oui, bien sûr. Évidemment. Eh ben, on est ressorti. C'est surtout les blagues de Renaud qui a sur scène. Ouais, juste après, non. Bah là, j'ai plus trop de blagues, là. Avec... Ouais, bah tu m'étonnes, ouais. Avec la quête pour lui dire bon, on lui offrira des fleurs à son enterrement. Non mais c'est, ouais, il le fait au début quand il y a un petit malaise, ouais, il fait ça, ouais. Il fait les petites blagues là-dessus. Oui, c'est un arrêt cardiaque. Ouais, bon bah là j'ai plus trop de blagues. Bon, bah, écoute, ok. Bah tu m'étonnes. Donc là, petite coupure où cette fois, incroyable, vous n'allez pas nous croire. Nous ne sommes pas allés à la voiture. On a directement été au bar pour gagner du temps. C'était beaucoup plus simple. Incroyable. Incroyable, je veux dire. Non, bah là, je pense qu'on a fait fort. Et on a attendu tranquillement que... Ah, tu fais la même que Tonaï hier. Tu fais du bruit. Tonaï a fait la même. On a attendu que le dernier concert commence. Et là, alors là, je vais être honnête avec vous. Moi, ça a été ma claque de la journée. Je pensais pas autant, mais Stone From The Sky. Et je dis pas ça parce qu'ils ont été gentils avec moi et qu'ils m'ont offert un CD. Non, non, non, non, ouais, non, c'est non. Ça, ouais. Non, non, non, non, mais en vrai, j'ai vraiment pris une claque. Je m'attendais à ce que ce gros soit bien. Gros lèche-pompe. Je m'attendais à ce que ce soit bien. Et ça a été au-delà de ce que je pensais, quoi. Tu vois, c'est même plus... Alors, ouais. Nah. Quoi, tu veux que je rende le CD pour dire la même chose? Ouais, carrément. Ça va rien changer. À... Non, non. Non, j'ai vraiment pris une claque, quoi. Que ce soit le bassiste qui a la méga banane, les morceaux qui avaient une énergie de folle, ils ont pas de chanteur, c'est que musical. Le batteur, il tapait fort. Ouais. J'aime bien les batteurs qui tapent fort. Non, bref, j'ai surkiffé, c'était trop bien. J'avais adoré sur CD, ça fait quand même 2 jours que je vous dis que l'album est sorti et que le surkiff... Non, non, voilà, tout à gauche. Voilà, celle-là. C'est un lot. Ça fait quand même, l'album il est sorti hier et moi on l'a écouté sur l'allée, moi je l'avais écouté 3 fois déjà depuis hier. Non, j'ai vraiment, vraiment surkiffé et en live c'était pour ma part vraiment, ouais. Ça a été la grosse claque de la journée. Et toi Bob, t'en as pensé quoi? Excellemment, excellent. Non franchement ouais, vraiment bah, tout au top quoi. Les Icos, enfin ouais, et pour finir, franchement, j'ai trouvé ça génial. Ouais, ouais. Planant, énergique, enfin, je veux dire, vraiment, c'est au top, quoi. Et planant jusqu'il faut. Ouais, pas trop long. Ouais. Moi, j'ai fermé les yeux et puis j'ai regardé. J'ai fermé les yeux, j'ai regardé. J'ai regardé ouais, en fermant les yeux. Et non, voilà, quoi. Tu ne peux pas fermer que les yeux, c'est pas possible. J'ai fermé un œil et puis l'autre, et puis après, j'ai regardé un œil, et puis comme ça. Non, c'était vraiment génial. Et puis comme d'habitude avec les groupes de dernière partie, ils avaient perdu beaucoup de monde, mais les gens qui sont restés étaient vraiment ils ont été impliqués parce que musicalement c'était trop bien quoi. C'est la musique qui a pas mal de monde. Ouais, il y a quand même pas mal de monde, mais tu vois, c'est la musique qui a convaincu quoi. Ouais. Tu vois, c'est quand il y avait Julie justement, elle était là à côté de moi, elle disait mais putain, mais c'est trop bien quoi. Elle dit je connaissais pas du tout et elle a surkiffé. C'est pour ça qu'elle disait que le bassiste, elle avait autant aimé qu'il ait la banane et tout quoi. Carrément. Comme elle a ressenti vraiment son énergie positive. Ouais, c'est ça, en ouais. Fait. Non, mais c'était génial. Ça a été vraiment. Bah, une putain de claque en fait. Ouais, je pense. Ils étaient heureux d'être là et franchement, bah, ça se ressentait vraiment. Le public était réceptif à ça. Enfin, je pense. Ouais. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde ou pas parce qu'en fait, j'ai regardé que devant. Bah, moi, j'ai regardé un peu. Il y avait pas mal de monde, mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient partis, mais il y en avait encore pas mal quoi. Ils ont au moins ils ont fait l'effort d'être des curieux parce qu'en fait, entre le moment où ça a commencé et la fin, j'en ai pas vu beaucoup moins quoi. Ouais, les gens, je pense qu'ils sont restés jusqu'au bout. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, ouais. Tu m'étonnes. Tu peux pas partir devant un concert comme ça, c'est pas possible. Ouais, grave. Ah ouais, mais c'était tellement planant et en même temps énergique. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Et puis c'est marrant. Il y a un truc unique en fait dans le groupe. Et c'est marrant parce qu'en plus, il est hyper réservé, le guitariste. Et à chaque fois, ses interventions, elles étaient tout en retenue. Et puis après, il balançait la sauce. Et, ouais. Non, c'était... Non, franchement, pareil, des super méga, musiciens. Méga gros claque. Bah, des putains de musiciens, quoi. Oui, oui, clairement. Marine, un avis? Oui, un avis. Oula, l'autre, il est clair. Alors, dans la voiture, je ne savais pas que c'était le groupe qu'on avait écouté à l'aller, en voiture. Si. C'est con. J'ai adoré en voiture, mais ouais. là, je pense que j'étais fatiguée. Ah, c'est possible, ça. Je suis partie, j'ai quitté la salle... pendant le concert parce que j'étais un peu fatiguée, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Ça arrive. Hein. Je ne suis pas restée jusqu'au bout. Néanmoins, je pense que s'il repasse, je retournerai les voir en festival comme ça pour apprécier un petit peu plus. Parce que là, du coup, c'est vrai que en ayant aimé comme ça, en écoutant... Sur album, merci. Ouais, je voyais bien que c'était dur, je voyais bien. je pense que j'apprécierais plus en journée, quoi. Ouais. Et pas forcément là comme ça, à 1h du mat, après 2 journées un peu intenses, voilà. Ouais. Je comprends aussi. Ah, merci Marine. Mais de rien. Et toi Seb, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était top, hein. À l'image de toute la soirée en fait. Vraiment top. Et ça permet de finir la soirée de façon posée. Ça finissait bien la soirée, contrairement à l'année dernière où on a fini brutalement avec Silhouette qui s'arrêtait d'un seul coup. On n'était pas prêt. Là, c'était vraiment, ça nous a vraiment posé et pour finir la soirée vraiment top, quoi. Calmement. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est top. Bah, comme en plus on arrive bientôt, je pense qu'il va être temps de faire un petit rapide bilan de cette deuxième journée et de ce graphe au final. Marine, ton premier graphe, alors, t'en as pensé quoi ? Eh ben, très contente d'avoir participé. Pour être honnête, j'ai préféré la deuxième journée, forcément, comme c'était prévisible. Oui, bien sûr. Malgré tout, heureuse d'avoir aussi fait la journée d'hier, parce que j'ai quand même aimé certains groupes. Me demandez pas lesquels, je ne me souviens pas des noms. Mais j'ai alors, aussi très bien apprécié la... on n'est pas sorti à la bonne. La soirée, la soirée d'hier. Non, mais il y a ça. Dire, vas-y. M'écoute pas surtout. Si, mais je t'écoute, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne... Voilà, super, super week-end. Oui. Et ravi d'avoir fait ça avec vous, en tout cas. Arrête, t'es trop voilà. Sympa. Mais, bah, merci, c'était un plaisir aussi de. Voilà. Tant que t'es pas déçu. Tu le referas alors. Ouais. Avec grand plaisir. Hop là, et on tourne. Tiens. C'est cool. Attention les bouteilles. Ouais, c'est ça. Donc on peut pas lui demander son avis. Elle dort, Chloé, ou elle veut donner un avis ? Elle a bu, forcément. Elle a bu un coca en dernier, ça va. Hein. Bon bah par-ci, vas-y, donne ton avis alors, sur cette deuxième journée. Franchement, une putain d'édition encore, que des bons concerts, franchement, tout le temps de la qualité. Mmh. Autant par les concerts que par les personnes qu'on a rencontrées sur place. Et l'orga, en fait. L'orga est tellement toujours aussi agréable et ils sont tous super sympas et on voit qu'ils sont contents. Enfin, on est tous contents de se voir, en fait. On le ressent vraiment, ça. Et des putains de bons moments. Après, c'est clair que ça a passé très très vite. Ça passe trop vite, j'arrête pas de vraiment, le dire. Vraiment, ça a filé, c'est un truc de dingue. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Donc, c'était une putain d'édition, franchement, quand même. Ouais. Ce qui est toujours chiant d'ailleurs, avec ce genre d'édition, c'est qu'on appréhende du coup la prochaine. Ouais. Est-ce qu'elle sera mieux ou est-ce qu'elle sera. Bah après, elles seront forcément différentes, mais elles sont tout le temps différentes. Mais elles sont très bonnes à chaque fois. Moi, j'ai toujours peur de la future programmation. En vrai, je pense pas. Seb, pendant que tu essayes de retrouver ta route avec Bob, ton avis sur cette deuxième journée ? Non, c'était vraiment, vraiment top. Après, moi, c'est plus. C'est plus mon style de musique aussi. Enfin, un stoner, un peu psyché. Donc, top. Et donc, une seconde édition du Graph ? Au top. Différente de la première, mais au top. Moi, c'est ce que j'avais dit à Thomas quand on est parti, mais en fait, sur le papier, j'étais moins convaincu. Ouais, tu vois. J'étais moins convaincu sur le papier des deux éditions différentes. Et là, en fait. Qui ? Mec, il est en train de dormir sur le coin. Ah bon ? Non, j'ai pas vu. Il était en t-shirt en train de dormir. C'est pas votre fille avec son gilet jaune. J'étais moins convaincu sur le papier par les deux journées type. En fait, il y en avait une qui me faisait vraiment envie, l'autre un peu moins. Mais au final, les deux étaient vraiment excellentes, chacune dans leur domaine, et vraiment réussies en termes de prog, quoi. Les deux étaient vraiment très équilibrées, quoi. Et forcément, j'ai un peu plus kiffé celle d'aujourd'hui parce que musicalement, tout me parlait plus. Mais c'était encore une fois une super édition du Graph. Et petit bémol sur la déco. Ouais, ça, je l'ai dit à Thomas. Je lui ai dit, l'année prochaine, tu n'en mets des trucs. Hashtag sauver Blaise. Ouais, sauver. On est Team Blaise. Team Blaise à fond. Team Blaise à mort. Je suis Blaise. Et toi, cette deuxième journée, Bob ? Bah, moi, deuxième journée au top, quoi. Ouais. Hein, on était avec les copains, on avait du bon son. La bière. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais, on avait un peu. Toi, par contre, tu as beaucoup pensé. Hein. Bah, heureusement que je suis là pour t'aider. C'est vrai. Mais très cool. Très très très cool. Ça fait vraiment du bien. C'est bonne prog en plus, quoi. Tout était au top, hein. Les bénévoles, tout. Ouais. C'est vraiment festoche. C'est un petit festoche qui assure, quoi. Longue vie au Graph. Ouais, et qui demande que à grandir. Et on continuera de les soutenir, hein. Non mais on en parlait justement avec Thomas sur la fin et lui il nous disait comme il nous a dit en fait vous faites partie du truc aussi parce que vous nous avez soutenu depuis le début, on dit on vous soutient parce qu'on y croit, on voit que vous y croyez aussi, quoi. Donc c'est des passionnés qui font un truc cool, donc on le dit tout le temps, mais ça se sent quand il y est, quoi. Ça se sent. Donc là ça tombe bien parce que pile poil on arrive, donc je pense qu'on va pouvoir stopper ici ce report. Merci à tous d'avoir participé, c'est gentil d'avoir donné vos avis Et c'était vraiment un super grave tous ensemble. Bah c'est, ouais, c'est toi, merci Jack de nous avoir demandé. Arrêtez, je le referai l'année merci prochaine. Merci à toi d'être toi. Arrêtez, mais arrêtez. Bref, on arrête là, merci à tous et on se dit à l'année prochaine. Allez, à au l'année revoir. Prochaine. À l'année prochaine les gens. Ouais. Bisous. Bisous. Try to come.